Mr. Adi. Za. Pardonne-moi si je t'ai blessé, ainsi que les fois où tu t'es senti agressé. Tu comptes trop pour moi, donc je ne vais pas te laisser. Aujourd'hui nos prises de tête doivent cesser. Reviens-moi s'il te plaît bébé, sans toi je crois que je ne pourrais avancer. Je tiens trop à toi pour pouvoir te laisser. Alors bébé reviens qu'on refasse un essai. Baby, tu savais à quel point je m'en voulais à mort. T'avais souvent raison mais je persistais à dire que t'avais tort. Tu ne voulais rien de spécial à part embellir mon cœur. Et moi comme un con je n'ai fait qu'enchaîner les erreurs. Tu m'as pardonné une fois, tu m'as pardonné deux fois, tu m'as pardonné trois fois mais c'est la même chose à chaque fois. Hier j'ai perdu l'inspi, voilà qu'aujourd'hui je te perds toi. T'inquiète pas que dans tes yeux l'envie de m'oublier je le perçois. Mais baby, faut me laisser une dernière chance et je te prouverai que j'ai changé. Non t'en fais pas, je ne sais pas te faire chanter. C'est juste une vérité que j'ai eu du mal à accepter. Alors bébé faut me pardonner pour mes erreurs passées. Car c'est en faisant qu'on comprend, et aujourd'hui j'ai compris que tu es la fille avec qui je voudrais faire ma vie. Pardonne-moi si je t'ai blessé, ainsi que les fois où tu t'es senti agressé. Tu comptes trop pour moi, donc je ne vais pas te laisser. Aujourd'hui nos prises de tête doivent cesser. Reviens-moi s'il te plaît bébé, sans toi je crois que je ne pourrais avancer. Je tiens trop à toi pour pouvoir te laisser. Alors bébé reviens qu'on refasse un essai. S'il te plaît ne me laisse pas, car je ne suis rien sans toi. Oui je l'avoue, je me sens si bien chaque fois que tu me prends dans tes bras. Mais comment on en est arrivé là? Non c'est pas possible, je n'ai pas pu te faire ça. Oui je le sais que c'est fini, mais je ne veux pas la demeure. Et réaliser que t'es parti, il va falloir que je m'y mette. Je t'en prie ne m'en veux pas, si j'ai été comme ça te rendre malheureux, sache que je ne le voulais pas. Car au final je t'ai perdu, rien que d'y penser cela me perturbe. Pardonne-moi si je t'ai blessé, ainsi que les fois où tu t'es senti agressé. Tu comptes trop pour moi, donc je ne vais pas te laisser. Aujourd'hui nos prises de tête doivent cesser. Reviens-moi s'il te plaît bébé, sans toi je crois que je ne pourrais avancer. Je tiens trop à toi pour pouvoir te laisser. Alors bébé reviens qu'on refasse un essai. Moi j'avais des sentiments et j'y croyais tellement. Je t'aimais pourtant. À tort ou à raison, tu n'étais qu'illusion. J'ai perdu le sommeil, j'attends toujours ton appel. Tu préférais ta rue, tu m'as bien trop déçu. Tu m'as brisé et j'ai bien trop pleuré. Pardonne-moi si je t'ai blessé, ainsi que les fois où tu t'es senti agressé. Tu comptes trop pour moi, donc je ne vais pas te laisser. Aujourd'hui nos prises de tête doivent cesser. Reviens-moi s'il te plaît bébé, sans toi je crois que je ne pourrais avancer. Je tiens trop à toi pour pouvoir te laisser. Alors bébé reviens qu'on refasse un essai.